croyait pouvoir changer de route, au diable les remords. J'avais mal calculé sans doute, mal dosé mes efforts. Je voulais voir si je pouvais encore regarder l'horizon, m'aventurer loin de ton port, des quais de ta maison. Mais tes rivages me retiennent, je voulais mettre l'amour à mort. Toutes les marées reviennent, je t'aime encore. Mais tes rivages me retiennent, l'homme n'est jamais le plus fort. Toutes les marées reviennent, je t'aime encore. J'ai vu tous les bonimenteurs, les redresseurs de tort, consulter docteurs, guérisseurs, charlatans de tous bords. Il paraît qu'on guérit de tout, suffit d'y croire un peu. Tu dois être de ces sorciers qui rendent les gens heureux. Car tes rivages me retiennent, je voulais mettre l'amour à mort. Toutes les marées reviennent, je t'aime encore. Mais tes rivages me retiennent, l'homme n'est jamais le plus fort. Toutes les marées reviennent, je t'aime encore. Et tes rivages me retiennent, l'homme n'est jamais le plus fort. Toutes les marées reviennent, je t'aime encore. Toutes les marées reviennent, toutes les marées reviennent. Je t'aime encore.